D'accord, c'est un ré. Hop, deuxième. C'est le ré qui. Voilà, et le sol à la fin. Le troisième accord, c'est un sol. Index, deuxième corde, deuxième case. Il reste un vide et petits doigts et les deux doigts qui te restent sur la troisième case des deux dernières cordes. Sol. Bah voilà, nickel. Voilà, trois accords. Easy. Un sol. Le sol, c'est ça. Fait, c'est simple, c'était ça se fait. Première corde, troisième case. Deuxième corde, deuxième case. Et les deux dernières cordes plus bas sur la troisième case. Je suis pas sûr que ce soit accordé, monsieur. Thank you.